Le SMIC va être augmenté de 2%. Ça veut dire que la vie va augmenter de 5%. Au fait, c'est pour quand cette augmentation du SMIC? Fin du mois. Bah, peut-être que la grève de la semaine prochaine n'aura pas lieu. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, quatre lettres, un combat, un mot devenu mot courant, le SMIC, avec ses dérivés, SMICAR, SMICARDE. Repère pour tous les Français, valeur et talon, le concept du salaire minimum est celui d'un seuil qui protège. En ce sens, ces quatre lettres sont aussi avant tout celles d'une conquête sociale majeure. À l'heure où la plupart des pays industrialisés inaugurent ou renforcent leurs dispositifs de salaires minimaux, ici en France, l'un des premiers pays à avoir légiféré sur le sujet, le SMIC est de nouveau, en ce début d'année, sous le feu des projecteurs. Depuis sa naissance, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à intervalles réguliers, les mêmes questions reviennent sur sa nécessaire réforme, son taux, son rôle. Alors, qu'en est-il vraiment? Pourquoi et dans quel contexte le SMIC a-t-il vu le jour? Quelles ont été ces évolutions successives? Et puis, et même surtout, c'est quoi gagner le SMIC? Vivre avec le SMIC? Pendant une heure, nous allons traverser près de 70 ans d'histoire, suivre les fluctuations économiques et les décisions politiques, entendre aussi la voix de ceux pour qui, chaque jour, ces quatre lettres sont une réalité vécue. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur ces questions, bien sûr, avec notre invité Pierre Concialdi, économiste, chercheur à l'IRES, l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous savez quel est aujourd'hui le SMIC? Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le SMIC sera majoré à partir du 1er juillet prochain. La CGT demande un SMIC à 6500 francs. Dans des conditions qui assureront un salaire mensuel minimum. Remarquez que l'augmentation du SMIC se traduit déjà chaque année. C'est très dur. Alors ce serait mieux que ça augmente un peu le SMIC. D'une façon très supérieure par rapport à ceux des autres salaires. Vous pensez qu'on arrive à vivre avec ce salaire? Ben, c'est surtout survivre. Le coup de pouce sur le SMIC marque en fait l'ouverture d'un grand chantier de négociation sur le salaire minimum. Pour la plupart des syndicats, c'est insuffisant. Une deuxième augmentation indexée sur la croissance, cette fois, doit intervenir le 1er juillet. Je vous le disais en titre, le gouvernement a donc choisi de ne pas donner de coup de pouce au SMIC. Je touche un SMIC horaire sur la base de 35 heures, donc le minimum. Demain, le SMIC sera revalorisé. Je pense que si on ne se gère pas d'une manière très pointue, on ne peut pas y arriver. Il augmentera de 2,1%. C'est une misère. De qui se moque-t-on finalement? Le gouvernement a décidé... Je gagne toujours une misère et puis c'est tout, c'est tout ce que je sais. ...de mener à l'égard du SMIC une politique active. €9,88 brut de l'heure, €7,83 net, €1,498,50 brut mensuel, €1,188 net. Voilà. Depuis le 1er janvier 2018, c'est le nouveau taux du SMIC. Des chiffres et des lettres, surtout des chiffres, car lorsqu'on est au SMIC, on compte, oui. On compte ce qu'on dépense, car on sait ce qu'on gagne. Pas besoin d'ouvrir l'enveloppe à la fin du mois, de regarder le montant en bas de la feuille de paye, on le connaît trop bien. On compte le temps aussi. Quand on voit avancer les jours et que sur son compte en banque, on regarde les possibles qui s'évanouissent au rythme des dépenses. Au SMIC, on ajuste ses désirs au prix des loisirs. Le stress est permanent, l'imprévu interdit. Alors oui, ça tient tant qu'il n'y a pas de casse. La voiture à réparer, le frigidaire à changer, la maladie à soigner. Au SMIC, on fait des sacrifices, on s'adapte en permanence, on regarde le prix de tout, car il faut joindre les deux bouts. Ils sont 1 600 000 aujourd'hui en France à toucher le salaire minimum. Ils sont caissiers, vendeurs, serveurs, ouvriers à la chaîne. Ils constituent la France des petits métiers, des bas salaires, celles d'en bas, comme disait l'autre. Ils sont jeunes, et surtout, il faudrait dire « elles », puisque 60% des salariés au SMIC en France sont des femmes. Ils sont le double, 3,4 millions à travailler pour un salaire inférieur au SMIC, parce qu'ils sont, eux, intérimaires, à temps partiel, précaires. Lorsqu'ils témoignent, il en ressort des traits communs. Le SMIC suffit quand on est célibataire ou que son conjoint est aussi au SMIC. Mais ça se complique quand on est seul avec des enfants. tous le disent. Vivre avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce n'est pas la misère, certes, mais c'est la vie dure. Oh, ça pourrait être pire, explique-t-il. Il pourrait ne pas avoir de travail, et il pourrait ne pas exister de salaire minimum. Sauf que le travail, en plus d'être payé au minimum, est souvent difficile, ingrat. Et puis l'avenir au SMIC est plutôt gris. Un chiffre encore, miroir de l'autre. Si plus de 50% des SMICards sont des jeunes, cela signifie que 45% d'entre eux ont plus de 40 ans. Car lorsqu'on est au SMIC, la plupart du temps, on reste au SMIC. SMICard un jour, SMICard toujours. Alors, pourquoi le SMIC se donne-t-il à voir comme Janus, à la fois difficulté à vivre et acquis social à défendre? Où en est-on de l'esprit qu'il a vu naître? D'ailleurs, c'était dans les années 30, une idée liée à la fin d'un certain libéralisme. Sous l'influence du keynésianisme et de la politique de la demande, où l'on comprend que les salaires ne sont pas forcément un poids, mais un moteur de la croissance boostée par l'État-providence. Comment est-il né en France, ce SMIC? Quel était l'esprit de ses inventeurs? Revenons sur une histoire longue de plusieurs décennies qui éclaire la situation d'aujourd'hui. Ce matin, apparu au journal officiel, le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti. L'Assemblée nationale, faisant droit au désir alors unanimement exprimé par les organisations syndicales, ouvrières et patronales, a prescrit que les salaires doivent être désormais déterminés par accord direct entre salariés et employeurs. Mais dans le but de protéger les salariés, le législateur n'a pas voulu que ce débat puisse s'engager sans que soit fixée la rétribution minima, au-dessous de laquelle aucun travailleur ne saurait être payé, homme ou femme, employé ou ouvrier. C'est la fin de l'été 50, un 26 août. Ce sont les premières années agitées de la 4e République toute jeune. 4 ans après la Seconde Guerre mondiale, à l'extérieur, la tension entre les blocs de l'Est et de l'Ouest s'intensifie. À l'intérieur, l'instabilité politique use les gouvernements successifs et de nombreuses grèves sporadiques rythment l'actualité sociale. Pour autant, derrière ce tableau, la France se reconstruit, le plan Marshall produit ses effets, la production reprend, l'économie redémarre. Et puis rapidement, les premières grandes mesures politiques voient le jour. Parmi elles, celle de René Pleven, le ministre du Conseil, le président du Conseil, qui annonce le 26 août 1950 un tournant dans la vie des Français. Il y aura désormais un SMIG, un salaire minimum interprofessionnel garanti. Autrement dit, la loi établit un niveau de salaire au-dessous duquel il est interdit de rémunérer un travailleur. Une mesure qui s'inscrit pleinement dans le mouvement de refondation sociale de l'après-guerre, dans la foulée du Conseil national de la Résistance, au sein duquel les notions de solidarité et d'intervention de l'État sont omniprésentes. Au cœur de cette ambition, le SMIG, comme la sécurité sociale, entend répondre aux bouleversements sociaux en cours, l'urbanisation et l'extension du salariat, par la mise en place de nouveaux systèmes d'assurance collective. Bien, mais comment fixer ce montant minimum? Et là, dès sa naissance, le SMIG connaît quelques contrariétés. Pendant les longs mois de préparation du texte de loi, les débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux butent sur cette épineuse question. Dans un premier temps, la décision est confiée à une commission composée de représentants du gouvernement, du salariat et du patronat. Mais au bout de 6 mois, au sein de la commission, on ne parvient pas à se mettre d'accord. Si bien que René Pleven, dans cette même allocution, donne quelques précisions. Il suffit de réfléchir quelques instants pour comprendre combien peut être délicate la fixation d'un tel salaire minimum national interprofessionnel garanti. Les uns le trouveront trop élevé, les autres le trouveront trop bas. Mais ce qui est certain, c'est que dès le 1er septembre, partout où il existe des ouvriers et des ouvrières qui gagnent moins que le minimum attribué à la zone dans laquelle ils vivent, et ils sont des centaines de milliers, leur salaire sera augmenté pour égaler le minimum. C'est donc le gouvernement qui décide de fixer par décret le niveau du SMIG. En 1950, il est vu comme un salaire subsistance, c'est-à-dire le minimum qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins primaires du salarié. Ainsi, on établit un profil type au regard du budget moyen d'un manœuvre. Parisien, célibataire, on fait une estimation de ses dépenses alimentaires. autre décision importante, le SMIC ne sera pas fixé sur l'année ou le mois, mais sur un taux horaire. D'ailleurs, il n'y aura pas qu'un SMIC, mais 5. Le coût de la vie étant plus cher à Paris qu'en province, on établit alors un minimum en fonction de 5 grandes zones géographiques. À Paris, il est fixé à 78 francs de l'heure. Mais le SMIC se retrouve rapidement confronté aux contraintes économiques des années 50 qui se résument en un mot, l'inflation. Deux chiffres pour donner une idée de son ampleur. Pour la seule année 50, le coût de la vie augmente de 10% et de 20% en 51. Si bien que le taux auquel a été fixé le SMIC au moment de son inauguration se retrouve vite caduque. Alors il faut réajuster la mesure. Tout au long des années 50, le SMIC se retrouve dans un costume trop étroit, car les gouvernements de la 4e République, toujours confrontés à l'inflation galopante, appliquent une recette utile dans l'immédiat, mais dévastatrice à plus long terme. Son surnom, la politique de l'indice. Elle consiste à maintenir artificiellement l'indice des prix de l'INSEE au-dessous du seuil auquel il devrait enclencher une augmentation automatique du SMIC. Résultat, l'évolution du salaire minimum est beaucoup plus lente que celle du salaire moyen. Alors, de temps à autre, on annonce une augmentation, comme le fait le général de Gaulle lorsqu'il revient aux affaires en tant que président de la 5e République. Nous sommes bien sûr en 1958. Comme il faut s'attendre à ce que cet ensemble provoque, au moins momentanément, quelques hausses du niveau des prix, le gouvernement prend des mesures relatives au pouvoir d'achat, en particulier de celui des Français dont le revenu est le plus modeste. À partir du 1er février, le salaire minimum interprofessionnel garanti sera accru en conséquence. Mais l'inflation continue. On a beau essayer de combler par moments cet écart qui se creuse entre le SMIC et les autres salaires, les gouvernements successifs ne parviennent pas à maîtriser la situation. Il faut attendre les événements de mai 68, presque 20 ans après la naissance du SMIC, pour que le problème soit pris à bras-le-corps. D'ailleurs, l'une des premières mesures annoncées par le Premier ministre Georges Pompidou dans les accords de Grenelle le 27 mai 1968 concerne le salaire minimum. Un mot maintenant, si vous le voulez bien, des conséquences de toutes les décisions qui ont été prises en matière de salaire et autres. Ces conséquences seront très importantes. Dois-je rappeler en particulier l'effort qui a été fait sur le salaire minimum et qui d'un seul coup augmente d'un tiers ce salaire, ça demandera à tout le monde, au gouvernement, aux chefs d'entreprise, aux travailleurs, un effort accru pour augmenter la productivité, pour augmenter l'expansion et pour faire que nous restions dans la compétition internationale en mesure de tenir notre place. La revalorisation spectaculaire du SMIC prend à contre-pied une idée jusque-là sacrée pour tous les gouvernements. La hausse brutale des salaires est impossible car on craint des conséquences désastreuses pour l'économie et les entreprises. En réalité, dans la foulée de cette augmentation spectaculaire, on ne constate aucune hausse exceptionnelle des faillites ou de l'inflation, on assiste même à une baisse du chômage. Avec les accords de Grenelle, le SMIC subit aussi de profondes réformes. Fin du salaire minimum agricole, désormais aligné sur le taux du SMIC. Fin des zones géographiques, également. Le salaire minimum est désormais commun à toutes les régions, commun et national. Mais tous les économistes estiment que ce salaire minimum doit être repensé complètement. Alors, deux ans après, en 1970, et cette fois en tant que président, Georges Pompidou s'y attelle. Les hommes dont le niveau de vie ne cesse de s'élever, mais dont les besoins croissent plus vite encore, s'irritent et contraintes d'une société en perpétuelle mutation et refusent d'être de simples instruments au service de l'économie et à plus forte raison de ceux propriétaires ou dirigeants qui en détiennent les commandes. Que de responsabilités dès lors pour le gouvernement et pour les cadres du pays. Un principe essentiel doit nous guider dans cette action et qu'il m'appartient au nom même de l'unité nationale de faire prévaloir, c'est celui de la dignité humaine. Il faut d'abord assurer à tous des conditions de vie décentes et la sécurité. C'est l'objet de la réforme du salaire minimum, dont la première application va intervenir. du SMIG au SMIC. Une seule lettre change, mais derrière elle, c'est la nature même de l'outil économique qui est repensé. De garantie à croissance, le changement de logique est clair. L'objectif, c'est que le taux du salaire minimum soit progressif, comme les autres salaires, et non plus seulement maintenu. Ainsi, les salariés au SMIC doivent eux aussi profiter des gains de la croissance. Alors, comment, sous ce nouveau costume, le salaire minimum s'adapte-t-il à l'inflation? Eh bien, de deux manières, répondent Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors, les concepteurs de la réforme. Maintenant, le référent ne sera plus seulement la hausse des prix, mais également celle du salaire ouvrier moyen. Tous les 1er juillet, le SMIC augmentera par obligation légale de la moitié du gain acquis par le salaire moyen ouvrier. Une seconde possibilité mise en place, libre au gouvernement d'aller au-delà, de dépasser ce seuil légal pour augmenter davantage le taux horaire du SMIC. C'est la naissance des fameux coups de pouce du gouvernement. Avec cette réforme, en 1970, le salaire minimum se retrouve sur le devant de la scène. Journalistes et reporters commencent à s'intéresser de plus près à celles et ceux qui vivent avec le SMIC. C'est le temps des premiers reportages, ce qui débouche notamment sur cette rencontre organisée entre le ministre de l'économie, Joseph Fontanet, et une famille qui vit au SMIC et qui viendra bientôt au SMIC. Nous avons proposé à Madame et Monsieur Audus de venir s'entretenir avec le ministre du Travail. Dans son bureau de la rue de Grenelle, Monsieur Fontanet, l'auteur de la réforme du SMIG, les reçoit. Monsieur le ministre, nous voudrions savoir comment vous feriez pour établir un budget avec 1120 francs. Si vous aviez trois enfants, comment établiriez-vous votre budget avec 1120 francs? Oui, madame, je crois que vous devriez déjà pouvoir répondre puisque vous y parvenez, mais je me rends compte que ça suppose de votre part un effort extraordinaire et par conséquent, je pense qu'il est souhaitable que l'on fasse le maximum de façon à vous permettre de disposer de ressources accrues. Alors, la nouvelle formule d'évolution du salaire minimum permettra à ceux qui reçoivent les salaires les plus faibles de voir leur situation s'améliorer dans la même proportion que les autres. C'est-à-dire qu'il y aura pour eux, d'année en année, un gain de pouvoir d'achat. Voilà. 20 ans après sa naissance, le SMIC change de nom et fait peau neuve. Mais le principe est toujours là, défendre les salariés, combler la faiblesse des organisations syndicales, permettre à tout travailleur d'avoir une vie décente. Oui, mais la réforme de Jacques Chaban-Delmas permet aussi au salaire minimum de mieux s'intégrer dans l'ensemble des revenus. Cela dit, n'oublions pas, en 1970, la France est encore en situation de plein emploi. Les fruits de la croissance et des 30 glorieuses sont à leur apogée. Mais bientôt arriveront les temps sombres de la crise économique. Comment le SMIC, conçu et repensé en période de croissance, va-t-il s'adapter à ce nouveau contexte? Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Est-ce que vous avez traversé déjà des périodes aussi difficiles? Oh, quand même pas, non. Enfin, c'était pas aussi difficile que celle-là, non. Enfin, ça nous est déjà arrivé de que mon mari touche vraiment pas assez, et puis d'être des fois une semaine sans manger. Ça, oui, mais enfin, là, c'est vraiment dur, là. La santé, comment faites-vous, alors, pour... Ben, quand il y a quelqu'un de malade, on prend sur l'argent qui reste pour manger. On est bien obligé. Oui, et quand il reste pas d'argent pour manger? Eh ben, on va pas au docteur. Vous traversez quand même certaines périodes qui sont... plus noir que les autres, et comment tenez-vous le coup moralement? C'est mal, mais il faut bien tenir. C'est-à-dire toujours assez... de mauvaise humeur. Toujours... Finalement, vous vous offrez jamais de luxe, enfin d'extra? Non. On sort jamais. C'est-à-dire jamais de cinéma? Ah non, jamais. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé au cinéma? 4 ans. Les vacances? Ben, en 4 ans, on y était une fois. Mais encore, parce que c'est ma mère qui nous a emmenés. Parce que... Vous êtes allé où? En Normandie. Fin des années 70, le président Valéry Giscard d'Estaing doit faire face aux conséquences du choc pétrolier de 1973 et à la crise économique sévère qui en découle. La France découvre alors des mots nouveaux, externalisation, sous-traitance, flexibilité et ses corollaires, bien sûr, chômage, précarité. On se penche alors sur la France des bas salaires, confrontée à de nombreuses difficultés, et on découvre ce que c'est que de vivre au SMIC, le cumul des emplois, la crainte du lendemain, les difficultés à finir le mois. D'un coup, l'outil conçu et réformé 10 ans plus tôt se révèle insuffisant. Et c'est tout sauf un hasard si pendant la campagne présidentielle de 81, François Mitterrand annonce ses intentions concernant le salaire minimum. Est-ce qu'il est acceptable que des millions de Françaises et de Français vivent avec un salaire minimum environ 1700 francs? Est-ce possible de vivre dans ces conditions? Non seulement il y a ceux qui sont les salariés, à qui s'applique donc l'expression précise de SMIC, mais aussi il y a ceux qui, agriculteurs, personnes âgées, personnes hors de la production, travailleurs indépendants, sans répondre à ces conditions, n'ont pas de revenus supérieurs à 1700 francs par mois. Est-ce acceptable, surtout si en regard, on aperçoit de quelle façon vivent de façon luxueuse, somptuaire, insolente, quelques centaines de milliers de Français? Est-ce acceptable? François Mitterrand est élu président de la République. Et la gauche arrive au pouvoir. Les premiers mois sont ceux des promesses tenues. Parmi elles, l'augmentation du SMIC de 10%. Mais contraint par la crise économique, l'élan est brisé et le pouvoir socialiste enclenche le fameux tournant de la rigueur dès 1983. Pendant plusieurs années, plus aucun coup de pouce n'est appliqué au SMIC, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux, les Français qui y sont assujettis. Dans de nombreuses branches, le salaire minimum n'est plus qu'un plancher, n'est plus un plancher, mais un plafond. Alors, à partir du milieu des années 80, les offensives contre le SMIC se multiplient. Le CNPF, le patronat et son président Yvon Gattaz l'accusent de tous les maux. Il empêcherait l'accès à l'emploi des jeunes et des moins qualifiés. Il écraserait la hiérarchie des salaires. Il créerait de l'inflation. Enfin, il gênerait toute négociation sur les salaires au sein des entreprises. Bref, de seuil protecteur, le SMIC se serait transformé en rampe vers le chômage, comme l'explique Yvon Gattaz en 1985. Nous n'avons jamais déclaré la guerre au SMIC. Simplement, c'est le mauvais usage du SMIC qui nous préoccupe, et justement à cause de l'emploi. Le SMIC a été créé en 70. Or, vous savez que en 10 ans, le pouvoir d'achat du SMIC a augmenté 4 fois plus que ne prévoyait la loi. 4 fois plus. On peut s'en réjouir. Mais ça a des effets pervers qui n'avaient pas été prévus. En particulier, ça supprime les petits métiers qui seraient bien nécessaires pour le chômage des jeunes, qui est vraiment le problème numéro un de la France d'aujourd'hui. C'est donc au nom des jeunes et au nom de l'emploi que nous pensons qu'il faut réaménager le SMIC. L'organisation patronale propose d'en changer la nature et donc la portée. De toute façon, d'un point de vue symbolique, mais aussi et surtout social, personne ne se risque à évoquer une abolition. Car derrière les discours, les volontés économiques, les théories, il y a la vie, tout simplement. Et de ce côté-là, pour les millions de salariés rémunérés au SMIC, entendre que celui-ci est trop élevé, difficile à avaler. Ils savent, parce qu'ils le vivent, à quel point il est compliqué de subvenir à des besoins qui évoluent, à des prix qui augmentent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réaction des smicards lorsque le gouvernement annonce une augmentation, comme avec Michel Rocard, Premier ministre en 1989. Moi, personnellement, vous voyez, chez moi, il n'y a qu'un salaire qui rentre, le mien. Je suis marié, j'ai une petite fille de 3 ans. Je trouve que c'est carrément imbécile et que je suis obligé de faire de très très gros sacrifices pour pouvoir y arriver. Regardez, cette année, ben, les vacances, pour moi, c'est râpé. Je sais pas, mais j'ai l'impression que M. Rocard ne doit pas faire son marché lui-même. Parce que le faire tous les semaines, et on voit que des fois, ben, on est obligé de se priver. Je vois bien qu'il y a encore quelques années, je me permettais des trucs que, à l'heure actuelle, c'est impossible, je ne peux plus me permettre, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, alors, avec ce que vous gagnez tous les mois ? Survivre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 150 francs de plus par mois ? C'est sous de la gueule du monde. Malgré tout, face à la crise qui se prolonge et la situation qui s'enlise, la lutte contre le chômage devient la priorité des gouvernements français. Pour y répondre, la baisse du coût du travail s'impose comme la principale ligne à suivre. Et Yvon Gattaz, le président du CNPF, est bientôt entendu du côté du gouvernement. En 1993, la droite remporte les législatives, Édouard Balladur s'installe à Matignon. Il commande immédiatement un rapport sur la question du SMIC. Les conclusions du dit rapport donnent lieu à la loi du 20 décembre 1993 qui doit instaurer un SMIC pour les jeunes. Le journaliste de France Inter, Michel Garibal, résume ainsi les thèses qui s'affrontent au sujet du SMIC. Première thèse, le salaire minimum garanti apparaît comme une conquête sociale destinée à assurer aux moins favorisés une existence décente et à les protéger en cas de récession économique. À cette thèse s'oppose celle des libéraux, qui trouvent au demeurant la bénédiction de l'OCDE. Pour l'OCDE, le principe du salaire minimum est un frein à l'emploi, car les travailleurs non qualifiés deviennent des chômeurs. L'exemple français est mis en avant. Notre pays a la plus mauvaise note du monde occidental pour le taux de chômage et on dénombre 23% de jeunes de moins de 25 ans en quête d'un emploi contre un peu plus de 5% seulement en Allemagne. Comment sortir de ce dilemme ? Par une diminution des charges, mais qui les financera ? Et par un effort accéléré en matière de formation, disent les spécialistes. Mais cela réclame du temps alors que le traumatisme du chômage conduit les Français à réclamer des solutions immédiates. Terrible casse-tête pour le gouvernement qui va être obligé d'abandonner son rôle de réformateur pour celui de pompier devant l'incendie qui menace. Cette loi provoque la mobilisation des étudiants et des lycéens. Face à la pression de la rue qui dure plusieurs mois, Édouard Balladur abandonne son projet. Mais l'expérience marquera ses successeurs sur les dangers d'une remise en cause du SMIC. Pour autant, il reste au cœur des préoccupations. Que ce soit à droite ou au sein de ce qu'on appelle la deuxième gauche, il est responsable de la hausse du chômage en France et de la précarisation de l'emploi. En effet, de nombreuses entreprises ne suivent pas le SMIC ou le contournent. C'est ainsi que dans de nombreux secteurs, il y a un écart à l'avantage du SMIC sur les minima salariaux. Le taux horaire du salarié se retrouve en dessous du taux du SMIC, rattrapé uniquement par un système de primes de fin d'année. Par ailleurs, la précarisation de l'emploi, la multiplication des temps partiels, fait que de nombreux salariés touchent chaque mois un salaire en dessous du SMIC. Une situation qui frappe des populations en particulier. Autrement dit, les femmes, les jeunes et les salariés les moins qualifiés. Cependant, c'est d'une toute autre manière que le SMIC va se retrouver au cœur des débats. En 1998, de retour à Matignon avec Lionel Jospin, les socialistes votent une loi, la plus fameuse de toutes les lois sociales depuis les congés payés. Le grand débat sur les 35 heures est ouvert. Dans son discours de présentation à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Emploi, Martine Aubry, a donné quelques nouvelles pistes de discussion possibles, comme l'établissement d'un SMIC à deux vitesses, horaire et mensuel, insistant sur le fait que cette loi n'est pas un couperet, comme le CNPF et l'opposition la présentent. Ce n'est pas un couperet, puisqu'il s'agit de la durée légale. Ce n'est pas un butoir, puisque le dispositif d'aide encourage ceux qui vont plus vite et plus loin. C'est encore moins un carcan, car le champ de la négociation est immense. Promesse de campagne, Martine Aubry, ministre de l'Emploi, met en œuvre les 35 heures. Une loi qui d'emblée pose un problème pour le SMIC. D'un côté, Martine Aubry promet aux entreprises que la loi ne mettra pas en place les 35 heures payées 39. De l'autre, elle affirme aux syndicats que les salariés payés au SMIC ne subiront pas de perte de pouvoir d'achat. Cette tentative de concilier l'inconciliable fait que dans cette loi, aucune disposition n'est prise en ce qui concerne le salaire minimum. Pour remédier à une situation intenable, la seconde loi Aubry, en 2000, corrige le tir et prend des mesures pour le SMIC. Un mécanisme complexe est mis en place. Le taux horaire n'est pas modifié, mais le nouveau SMIC mensuel est calculé sur la nouvelle durée légale du travail. En fonction ou non de la réduction de ce temps de travail, différents SMIC sont mis en place, ce qui en fait coexister maintenant 6. Il faudra attendre 2005 et les lois Fillon pour qu'un nouveau SMIC unique cette fois soit rétabli. C'était la dernière grande réforme en date. Mais l'on continue d'entendre, dans la voix de ceux qui vivent au SMIC, des témoignages similaires. À partir du moment où j'ai une activité, que je suis rémunérée, comme bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais bon, c'est pour moi personnellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop regardé le salaire ? Non, franchement non. Moi, il me fallait du travail et j'aime bien ce que je fais. Donc, je suis contente. 2500 euros par mois pour 5 personnes avec les enfants. C'est vivable, mais il n'y a jamais d'extra. On aimerait bien aller au restaurant de temps en temps, se faire un petit ciné et tout ça. Bah, c'est à proscrire, hein. C'est à proscrire. Et les vacances ? Les vacances, c'est combien d'années qu'on n'en a pas pris ? 4 ans qu'on n'est pas vraiment parti en vacances. Je crois que je suis condamnée à gagner le SMIC jusqu'à la fin de ma vie. Mais je ne m'en plains pas. On peut survivre grâce à ça. Depuis 2005, le SMIC est de nouveau sujet aux mêmes questions, débats et projets. En 2006, le gouvernement Villepin cède face à la rue sur la loi du CPE comme celui de Balladur 10 ans plus tôt. Et puis la crise de 2008 a une fois encore placé le SMIC au cœur des enjeux face au chômage élevé du pays. On a changé quelques petites choses, comme la date d'augmentation automatique, désormais fixée au 1er janvier. On a lancé de nouvelles commissions pour réfléchir à la réforme du SMIC. Pourtant, le salaire minimum est toujours là. Et si les coups de pouce se font plus rares ou à la marge, il reste cette protection face à un travail qui, dans certains secteurs, s'intensifie et des emplois qui se précarisent. C'est qu'au regard de son histoire, le SMIC doit rester l'incarnation de cette idée, aussi simple qu'essentielle, faire en sorte de payer le travail à sa juste valeur. Avant de mettre à pleine gomme juste ce que tu sais faire, le minimum. We'll be right back. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du SMIC. Notre invité, Pierre Concialdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRES, l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. On va d'abord revenir sur cette impression immédiate, ce qu'il y a de plus saisissant dans le SMIC, c'est cette idée de Janus, hein. À la fois le signe d'une vie dure, et en même temps c'est une protection. Est-ce que c'est à part égale, vous, quand on vous dit SMIC, et en tant qu'économiste, pour vous c'est vie dure ou protection? Ben, j'ai tendance à être d'accord avec les deux. Ben oui. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, avec effectivement un chômage massif, un sous-emploi, une précarité tout aussi massive, c'est ce que disait d'ailleurs une des personnes, avec le SMIC, on peut au moins survivre. Et donc l'autre réponse, c'est que effectivement, on ne fait que survivre. Mais est-ce que ça veut dire quand même que cette protection, elle est plus forte aujourd'hui qu'avant, vu que le chômage a augmenté et que le contexte économique dans lequel on vit est plus dur qu'avant? Est-ce que donc cette fonction de protection sociale est devient plus forte aujourd'hui, encore plus précieuse? Elle est précieuse au moins psychologiquement, j'aurais tendance à dire. Ceci dit, je pense qu'il faut bien voir qu'il faut revenir à la fonction du SMIC. Ouais. Et c'est ce que disait un des interviewés, ce que disait aussi Pompidou, des conditions de travail décentes. Voilà. Il se trouve que l'Observatoire de la pauvreté a produit il y a quelques années, en 2015, des budgets de référence qui définissent précisément, à travers tout un processus sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais c'est un processus de validation sociale, ce sont les gens qui se sont exprimés. Voilà. Quel est le panier ? En fait, ils ont refait l'exercice qu'on demandait à la commission des conventions collectives en 1950, mais sans en tant que citoyen. Et voilà, quel est le panier de biens et services qu'il faut aujourd'hui pour vivre au minimum ? Voilà. Et le résultat, bon, pour différents cas types, mais pour un célibataire, pour fixer les ordres de grandeur, c'est autour de 1500 euros par mois. C'est-à-dire, et aujourd'hui, vous avez dit que le SMIC net, c'est 1100 euros environ net par mois. Donc on a un grand décalage. Donc à la fois dans un monde qui est de plus en plus insécurisé avec le chômage, la précarité, oui, accéder à ce minimum, c'est déjà quelque chose. Effectivement, il faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, ça permet pas de participer, d'avoir des conditions de vie décentes et de participer à la vie sociale. D'ailleurs, oui, effectivement, on l'a entendu de la part de plusieurs témoignages pendant le récit. Donc, on fait un calcul pour les besoins, on va dire, primaires. Ça veut dire que on intègre l'idée que pour certaines personnes, il y a les besoins primaires. Ok, alors tout le reste, dans une société en plus de loisirs, hein, qui nous pousse à consommer du loisir, en fait, on dit à ces gens-là, vous n'y avez pas droit, quoi. En gros, c'est ça, le SMIC. Ça revient à ça, de fait. Ça revient à ça, effectivement. Vu l'écart de 400 euros, effectivement, les 400 euros, c'est tout ce qui a été dit dans le reportage. C'est-à-dire, pas de sortie, pas de vacances, ou en tout cas très très peu. Et effectivement, pas ce minimum de participation à la sociale qui fait qu'on peut dire qu'on est membre d'une société à part entière. On va faire un peu d'histoire pour aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le SMIC s'inscrit dans l'esprit du Conseil de la Résistance, des ambitions de la 4e République au sortir de la guerre. On est vraiment dans le concept de l'État-providence. Hein. Alors je ne sais pas si à l'époque on parlait d'État-providence. Non, mais ça revient à ça. Il faut bien voir quand même, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les générations pas mal d'entre elles, ont vécu en l'espace de 20 ans deux guerres mondiales et la plus grave crise économique qu'on ait jamais connue dans l'histoire du capitalisme à l'époque. Donc il y a un consensus sur l'idée que ça peut plus durer, pour aller très très vite, et que les pouvoirs publics doivent instituer un minimum de règles, On n'est pas du tout dans le cadre du socialisme, etc. Mais simplement, on est dans le cadre de l'économie de marché, mais on reconnaît, tout le monde reconnaît à l'époque, qu'il faut un minimum de règles. Ce sera la création de la sécurité sociale. Ce sera aussi, après le blocage des prix et des salaires, l'idée qu'il faut un minimum de salaire décent. Et d'un point de vue, c'est à la fois nécessaire d'un point de vue économique, mais c'est aussi nécessaire d'un point de vue social. Si les gens produisent des biens et des services qu'ils n'ont pas les moyens d'acquérir, on voit bien que, au bout d'un certain temps, ça va pas. La machine se bloque. Voilà, la machine va se bloquer d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est juste avoir un minimum de cohérence dans l'organisation du fonctionnement de l'économie et donc de la société aussi en général. Et c'était un ratio pertinent, ça, le ratio social, donc le minimum pour vivre à peu près décemment, et l'outil économique, dans une logique très canadienne, hein, qui fait remonter la croissance. Il y a un équilibre économique dans ce choix-là, vous l'économiste? Je sais pas si je perçois très bien votre question. Il y a un choix social. Le choix social, c'est donner un minimum pour vivre. D'accord? Il y a un choix économique, c'est-à-dire relancer la consommation. Donc est-ce qu'on arrive, à concilier ces deux logiques qui sont souvent difficiles à concilier? Alors, effectivement, mais je pense que la vertu du SPIC, c'est de nous faire réfléchir sur le renversement de perspective. C'est-à-dire que on définit un niveau de vie minimum, des conditions de vie décentes, et donc c'est une incitation pour les entreprises à prendre en compte à la fois ce qu'elles vont considérer comme étant une contrainte, mais ce qui est aussi pour elles un débouché, c'est-à-dire à produire en fonction de ce pouvoir d'achat et en fonction, voilà, ça incite. Lorsqu'on déconnecte trop la valeur du travail, du salaire, de ce qu'on produit, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on aboutit à une forme à des crises, à des chaos. Et par rapport à l'argument économique, ce que je voudrais souligner quand même, c'est qu'à l'époque de la création du salaire minimum garanti, donc en 1950, on peut comparer le salaire minimum de l'époque, son coût en tout cas, à la productivité, enfin à ce que rapporte, pour aller vite, un salarié en moyenne à son employeur. À l'époque en 1950, c'était 45% de cette valeur moyenne. C'est-à-dire qu'on payait 45% de la valeur moyenne. Le SMIC, c'était 45% de la valeur moyenne du travail. Et aujourd'hui, on en est où? On en est à 25%. C'est-à-dire qu'on a considérablement chuté. Cette chute, elle a surtout intervenu dans les années 50-60 avec tout ce que vous avez expliqué sur la non-revalorisation finalement du SMIC. Mais voilà, ça donne une idée de la mesure, du décalage qui existe aujourd'hui entre effectivement cette norme sociale et ce besoin de produire à un niveau minimum et accessible à tous. Alors, et quelle est la pertinence d'un changement salaire minimum interprofessionnel garanti à salaire minimum interprofessionnel de croissance? Ben, c'est un grand changement, hein, parce que... si vous voulez, dans la question du SMIC, il y a deux questions. Il y a la question de son niveau, on vient un peu de l'aborder, mais la question de son niveau, elle n'est pas indépendante, elle peut pas être dissociée de la question de son évolution. Parce que le principe général du SMIC, c'est que voilà, c'est un salaire qui permet d'avoir des conditions de vie décentes. Décentes, ça veut dire par rapport aux conditions de vie de la société à un moment donné. Donc il faut à la fois que, quand on le crée, ça soit à un niveau satisfaisant, mais il faut aussi que dans le temps, ça puisse prendre en compte l'évolution. Alors, il y a évidemment l'inflation. Elle était très, très forte, comme vous l'avez rappelé, dans les années 50, 60, 70. Elle reste malgré tout importante. Et il y a aussi la protection de la croissance, de la productivité, qui fait que on reste intégré à la société. Pour le dire autrement, pour vous donner un ordre de grandeur, si depuis le début des années 2000, on n'avait aucun mécanisme d'indexation du salaire minimum, il serait inférieur aujourd'hui de 400 euros à ce qu'il est. Donc je pense que ça donne un ordre de grandeur aux auditeurs. Voilà, 1100 euros, moins 400 euros, ça fait 700 euros. Bon, on se rapproche du RSA. Est-ce que, déjà avec 1100 euros, c'est très difficile, comme beaucoup de gens l'ont dit. Bien sûr. Mais avec 700 euros, est-ce qu'on peut vraiment parler de conditions de vie décentes? Voilà. Et donc, il est nécessaire d'avoir ces mécanismes de correction, d'adaptation, qui tiennent compte de l'évolution économique en général. Est-ce que le SMIC n'est pas également le signe d'une faiblesse des syndicats dans notre pays, faiblesse qui serait compensée par l'État? Je vous dis ça parce que ce genre de mesure n'existe pas dans d'autres pays, ou en Allemagne, sauf récemment, des pays où la négociation syndicale est bien plus forte. Là, L'État est obligé d'intervenir. Ça montre ça aussi ou pas, le SMIC? Ça, c'est une question effectivement plus récurrente. Qui est récurrente dans les relations sociales en France. Effectivement, c'est pas uniquement une question de faiblesse des syndicats. C'est plus généralement une question de faiblesse des relations entre employeurs et salariés, d'un mode de relation qui, de la part du patronat notamment, reste très conflictuel, réfractaire, disons, à ce genre de consensus. L'exemple de l'Allemagne est très intéressant parce que pendant très longtemps, effectivement, les syndicats allemands ont refusé l'idée d'un salaire minimum garanti au niveau de l'État. Pourquoi ? Parce que à travers la négociation collective, ils parvenaient, dans un processus régulé, à obtenir dans leurs négociations avec les employeurs des salaires minimaux de branche qui étaient supérieurs, si on les comparait en tout cas, aux salaires minimum en France. La fameuse cogestion en Allemagne. Oui, hein, et ça a duré pendant pas mal d'années. Alors, il y a eu un tournant après les années 2000 où effectivement, il y a eu une politique d'austérité salariale très très forte, notamment. Oui, on peut en citer beaucoup. Le développement de ce qu'on avait appelé en Allemagne les mini-jobs. Bon, et un durcissement aussi du côté des organisations d'employeurs dans les négociations. Et à ce moment-là, les organisations syndicales allemandes ont fini par admettre que finalement un salaire minimum garanti au niveau de l'État devenait une protection nécessaire, étant donné l'évolution du contexte et des relations sociales en Allemagne. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en conclusion du récit, depuis la crise de 2008, le SMIC est de nouveau au cœur des débats. On va écouter alors cette fois Pierre Gattaz, non pas Yvon Gattaz, mais Pierre Gattaz, le président actuel du MEDEF, syndicat des patrons. C'était en 2014, il proposait un nouveau SMIC. Un petit boulot plutôt que pas de boulot du tout. C'est ce que suggère le patron des patrons, Pierre Gattaz, pour endiguer le chômage. Selon lui, le niveau du SMIC est un frein à l'embauche. Il propose donc d'instaurer un salaire transitoire inférieur au SMIC au cours de la première année pour recruter un jeune ou une personne en difficulté. Nous sommes au bord du précipice. Nous avons les plus mauvais indicateurs de toute l'Europe en termes de croissance, de chômage, d'indicateurs économiques. Donc soit en effet, on sort de la politique, on sort de la doctrine, on sort du dogme. Et on regarde devant, on regarde de façon pragmatique comment on crée de l'emploi, nos principaux voisins européens. Même l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot, trouve l'idée inappropriée. Elle évoque une logique esclavagiste. Alors, on a le sentiment, après avoir traversé l'histoire du SMIC, que les mêmes questions, les mêmes attaques, les mêmes arguments de défense ou d'attaque sont repris à intervalles réguliers. C'est assez saisissant, ça, quand même. Oui, le temps passe et ça bouge pas au niveau des mentalités, en tout cas. Non, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une forme d'idéologie dans une partie au moins de ces arguments. J'écoutais effectivement, je crois que c'était Georges Pompidou qui déjà, on parle aujourd'hui de compétitivité, lui parlait de compétition internationale. Mmh. On pourrait reprendre d'autres déclaration de cette époque, je pense qu'il avait faite sur le chômage, on retrouve exactement le même discours qu'aujourd'hui. Non, effectivement, et je pense que on vient d'écouter Pierre Gattaz, une forme de catastrophisme dans le discours qui n'est pas de mise, en tout cas il est assez mal placé, je pense, pour le porter. Je pense que les organisations syndicales de salariés et d'autres associations sont peut-être mieux portées, mieux à même que lui de porter ce discours. Le fond du problème tel qu'il le pose, c'est le coût du travail. Bon, pour le traduire de façon claire pour les salariés, c'est le niveau des salaires. Parce qu'il n'y a pas de miracle. D'un côté, le salaire est un coût pour l'employeur, de l'autre, c'est un revenu pour le salarié, y compris à travers les cotisations sociales qui financent la protection sociale. De ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître que toutes les mesures qui ont été prises depuis, on parlait de la loi Balladur tout à l'heure, 93, pour tirer ce coût du travail à la baisse, n'ont pas eu les effets escomptés sur le niveau de l'emploi. Les derniers rapports du comité de suivi du CICE le montrent de façon, je dirais malheureusement, éclatante. C'est-à-dire qu'on a, si on rapporte les emplois créés ou sauvegardés au niveau des avantages accordés aux entreprises, des coûts de création ou de sauvegarde d'emplois qui sont de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est absolument ahurissant. Et la France est quand même un des pays, ça je crois qu'on ne s'en rend pas compte, on nous cite souvent beaucoup de pays étrangers, c'est le pays qui, c'est pas le seul pays à avoir mis en place ce dispositif, mais c'est le pays qui sans doute où sans doute ces exonérations ont l'ampleur la plus manifeste. Et paradoxalement, on nous répète que c'est le pays où on n'arrive pas à sortir du chômage. Mmh. Donc il faudrait quand même, après 25 ans maintenant ou plus de politique, de baisse du coût du travail, se poser la question de l'inefficacité de ces dispositifs. Alors, puisqu'on parle de dispositifs, 88, le RMI, hein, création du RMI, bon, le SMIC existe encore, évidemment. C'est... Comment se passe la cohabitation entre SMIC et RMI? Bon, à l'époque, c'est très simple. La règle fixée par le gouvernement, c'est qu'on fixe le niveau du RMI à exactement la moitié du SMIC à temps plein. Mmh. Le SMIC à temps plein en net à l'époque, c'est 4 000 francs. On fixe le RMI à 2 000 francs. Voilà. Bon, la règle vaut ce qu'elle vaut. Bon. L'idée, en tout cas, qu'il y a derrière ce décalage, c'est qu'il faut qu'il y ait, en acceptant un emploi à temps plein, une différence nette pour inciter, en tout cas pour qu'il y ait un gain sensible à la reprise d'emploi. Donc ça, c'est le processus de le dispositif de départ. À partir de là, le SMIC, lui, suit sa vie, je dirais. Donc, mmh. il est continué à être indexé. Le RMI, lui, c'est un peu moins le cas. Il décroche. Hein, donc, l'écart entre initial qu'on avait voulu fixer, il s'accroît entre le RMI et le SMIC. Et l'autre phénomène qui se développe assez vite, notamment à partir du milieu, du début des années 90, c'est le développement du temps partiel. Qui est favorisé notamment par des exonérations, là aussi, de cotisations sociales sur les emplois à temps partiel. Et donc, on en arrive au milieu des années 90, deuxième moitié des années 90, à faire des calculs très hypothétiques, mais qui n'ont pas de sens, à mon avis. Et voilà, on prend un RMiste et puis on le compare à un salaire à mi-temps. Mmh. Bon, par définition, puisque, comme je vous l'ai dit, le RMI a été fixé au niveau d'un demi-SMIC, on n'y gagne rien, entre guillemets, si on reprend un emploi à mi-temps. Donc, la comparaison n'a pas de sens. Alors, on va écouter une dernière archive ensemble. Elle remonte à la primaire de la gauche en 2016. C'est le candidat socialiste Benoît Hamon qui présente son idée de revenu universel. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 euros par personne. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord changer notre relation au travail. Nous sommes en train de vivre une révolution numérique, on le voit, dans beaucoup de secteurs. Et je pense que le revenu universel d'existence, c'est équivalent à la création de la sécurité sociale. C'est une nouvelle protection sociale. Le but, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître qu'on peut travailler sans être dans l'emploi. Deuxièmement, ça permet de choisir son temps de travail différemment. Alors, que pensez-vous de cette idée qui est une idée de rupture avec ce qu'on connaît depuis longtemps, qui semble partir du constat qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, et on s'aperçoit aujourd'hui que le clignotant est un peu plus au vert en ce moment. Reprise de la croissance ne fait pas vraiment baisser le chômage. Donc, cette idée selon laquelle il n'y a pas de travail pour tout le monde génère peut-être un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'était vraiment c'était un programme de rupture. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de revenu universel? Je sais pas si je vais arriver en deux minutes. Oh là là, il reste même moins de deux minutes, dis donc. Bon, la première chose. Il reste deux minutes. Non, mais voilà. Bon, en deux minutes, on va essayer. Alors, premier point. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Je pense que la principale mesure, je sais que ça va contre l'air du temps, mais la principale mesure qui permet d'arriver à résorber le chômage, c'est la réduction du temps de travail. Qui peut prendre diverses formes, c'est pas uniquement une baisse hebdomadaire, c'est aussi la retraite, c'est aussi des congés supplémentaires, etc. Et l'expérience, contrairement à ce qu'on peut entendre chez certains économistes, l'expérience qu'on a rapidement évoquée sous l'angle du SMIC des 35 heures montre que ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est-à-dire que on a créé à cette période-là plus d'un million d'emplois, c'est la plus forte création d'emplois depuis la libération. C'est le principe du partage du travail, en fait. On peut appeler ça comme ça, tout à fait, oui. Et dans une société où la productivité augmente, c'est toujours ce qu'on a fait depuis un siècle. Donc, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point, par rapport à l'idée d'un revenu universel, il faudrait vraiment discuter des modalités, c'est un peu complexe. Ouais, il nous reste 30 secondes. Je vais aller très très vite. Et donc, moi, je vais faire parler les gens. Je voulais parler d'études de l'OMPES où on avait demandé à des gens quels étaient le panier de biens nécessaires. Bon, ouais. Dans un premier temps, on leur a demandé de façon assez libre quels étaient les. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour avoir des conditions de vie décente. Et très spontanément, ils ont évoqué, dès les premières réunions, la nécessité d'occuper un emploi. Donc, il n'y a pas qu'un revenu. Mais il y a aussi, un emploi, une intégration sociale. Donc, je suis obligé de résumer. Bien pour sûr. Vous, la voie, c'est le partage du travail. Et tout donc, la diminution du taux horaire de travail, enfin, du temps de travail. Du temps de travail, bien. Sur toute la vie. Merci. Merci, Pierre Concialdi. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le SMIC, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée aux ravages de la mondialisation sur les agriculteurs. Certains agriculteurs, ceux des filières fragiles, ce qui peut les mener au suicide. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard, Margot Opinel et Simon Maisonob. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation David Jacuboviez et Jérôme Boulet, lecture Philippe Pierrard, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos.